On arrivait en fin de concert. La tension était palpable. Celle des émotions partagées, des regrets enfouis qu'on laisse ressurgir. Cette dernière chanson parlait de ses yeux. Ses yeux qu'il clôt souvent pour se plonger en lui, dans ses sensations, et retrouver ainsi son calme, sa pseudo-assurance, son flegme. Tu as les yeux fermés, que tu es le plus beau. Tu n'as pas besoin de battre des cils, d'en faire des tonnes, de me transpercer de ton regard profond. Je sais que tu es là, à l'intérieur de toi. Tu as les yeux fermés, que tu me troubles le plus. Tu n'as pas besoin de parler parce que je m'imagine que tu me déshabilles lentement en pensée et que tu te réfugies à l'intérieur de moi. Tu as les yeux fermés, que tu me fais décoller. Tu n'as pas besoin de me regarder, de me toucher, de me goûter, de me respirer. Contente-toi de me chercher délicatement. Garde les yeux fermés, n'effleure pas mon ventre. La chaleur de tes doigts, les effluves de ton corps, juste cela me suffit. Ne prononce pas un mot. Reste dans le silence, nous partirons ensemble. Je me souviens qu'il a dit des mots un peu crus. Mais pas tant que ça, pour la crudité, pour le nombre. Je me souviens qu'il m'a dit qu'il m'aimait. Je me souviens qu'il m'a dit que la manière dont nous avions fait l'amour et le reste lui avait plu infiniment. Je me souviens qu'il m'a dit qu'il n'oublierait jamais cette nuit. Je me souviens qu'il m'a dit que oui, même s'il y a toutes ces années entre nous, mon corps a parfaitement répondu aux envies du sien. Je me souviens qu'il m'a dit qu'il ne m'oublierait jamais. Et moi, je pleurais. Et je pleure encore. De tout ce bonheur partagé, de tout ce plaisir. Les années ont passé, 15 déjà. Nous ne nous sommes plus revus, vraiment. Du moins, de cette manière. Je pense que l'un comme l'autre, nous avions peur de briser la magie de cette nuit particulière, où nous avions fait l'amour aussi intensément. J'avais enfin connu la chaleur de ses bras et de sa peau, le parfum de sa toison, le goût de ses baisers et de son sperme. J'avais été heureuse moins de 8 heures, mais cela avait remplacé ces années de disette auxquelles il m'avait contrainte. Ma petite fille la plus âgée avait à présent 20 ans, son aîné à lui un peu plus de 14. Il était né une nuit du mois de janvier suivant, cet après-concert d'avril. J'avais calculé qu'il devait avoir été conçu quelques jours après notre nuit d'amour. Je rêvais un peu secrètement qu'il était toujours sous le coup des souvenirs et des émotions de nos étreintes, qu'il avait pensé à moi, juste un peu en... Cet ado, donc, avait les yeux verrécumes de son père, son air de chat effarouché. Mais de qui avait-il hérité les cheveux châtains foncés, le nez en trompette et la bouche un peu large? Personne ne le savait, mais pas de sa maman en tout cas. J'en étais la marraine, et quand je le regardais, aussi beau, aussi talentueux, aussi... Je me disais, dans 6 ans à peine, il aura l'âge que son père avait quand nous nous sommes croisés pour la première fois, un samedi de juin. Il me fera certainement rêver, autant que lui, son père. Nous voici donc au bout de la saga, qui parle de mon audacieux. Des chansons que j'ai composées pour lui. L'histoire prochaine racontera une histoire d'amour jolie entre le fils aîné d'Adam et une jeune fille aussi talentueuse que sa grand-mère. À bientôt.